La lune retransmet ses pâles reflets à mon esprit. Je suis un être de nuit indécis qui te narre ses récits. Inscrit dans le cœur, une pluie de sang sur mon récif. La faucheuse est le contrôleur, mais la mort je reste qui. Le bonheur m'a oublié, mes pensées noires grésillent, étouffées par la résine. Je reste pas dans le noir brille. Tu es caché, tu pleures, tu penses être faible, mais je t'apprendrai à ouvrir tes ailes tel un aigle. J'souris chaque jour pour cacher mes larmes. Ma vie est large pour cacher les armes, l'automie pour cacher les drames. Je reste calme, les fleurs se fanent sur la terre de mes pensées. J'ai trop avancé, je suis tombé avant de danser. J'ai le cœur beaucoup trop engourdi. J'ai le cerveau dans un putain de fourbi. Je reste calme dans le cas contraire court cri. Je suis l'ombre, le péché est long d'être insoumis. J'ai le cœur beaucoup trop engourdi. J'ai le cerveau dans un putain de fourbi. Je zigzague entre les pilules et les gros chemises. Quand la lumière arrive, je ne suis plus là. Quand le jour arrive, tu le caches derrière un drap. Que tu teintras de sang tous les témoins. Je suis là, les yeux étincelants, la lueur, je la veux, mais t'éteins ça. J'ai plus d'idées, les dernières sont les pilules qui me les donnent. Bro, tu m'étonnes, fais-moi voir ton bif, je sais que tu m'étonnes. Mon nombre est figé, t'en succombe devant mes textes en surnom. Seulement je ne suis qu'une ombre dans un recoin un peu trop sombre. Après tour d'onde, ma tête gronde, il pleut des trombes. J'ai les pieds en enfer, la tête dans les catacombes. Enfermé à double tour, noyé dans les feuilles de texte. Pétasse, tu m'envoies un SMS quand tu veux du sexe. Tu me stresses, j'ai envie de m'arracher vite, puis arracher ma vie. Arracher la mine, arracher une impide. Envie de tracer vers une nouvelle vie. Moi t'écraser ton âge, assimile tes dreams. J'invente un new style. J'ai le cœur beaucoup trop engourdi. J'ai le cerveau dans un putain de fourbi. Je reste calme dans le cas contraire court cri. Je suis l'ombre, le péché est long d'être insoumis. J'ai le cœur beaucoup trop engourdi. J'ai le cerveau dans un putain de fourbi. Je zigzague entre les pilules et les gros chemises. Fais du popcorn avec du pavot. L'arme de coca pour faire un rafio. Sans rafio, un silencieux entre tes dents. Wesh yo, mes barres au son électrique. Ma bouffe c'est la yeah yo. J'me lève à 15h et je trouve ça très tôt. Tu vis comme un zombie et tu trouves ça ghetto. Désolé d'être sorti du cadre de vie. Y'a plus rien à déco, rien à becter à part un bol de poudre avec de la coco. Ferme les yeux et va-toi un peu loin de là. Cherche le mieux, pas le bad, sérieux. Fais-le là, fais le point, issue-moi. J'traîne qu'avec ce coup sous pas. Quand t'as des tics et des tocs, c'est parce que t'assumes pas. Le sang coule de mes yeux, le venin reste dans mes veines. Regarde vers les cieux, les fumées toxiques d'usine m'enseignent. Mes lyrics se nourrissent de ma peine. Négro, il faut que tu comprennes. J'ai le cœur beaucoup trop engourdi. J'ai le cerveau dans un putain de fourbi. Je reste calme dans le cas contraire court cri. Je suis l'ombre, le péché est long d'être insoumis. J'ai le cœur beaucoup trop engourdi. J'ai le cerveau dans un putain de fourbi. Je zigzag entre les pilules et les gros chemises. Pas des narcotiques, pour toi c'est road trip. Va crever pauvre type, je suis là contre les pilules et les gros chutes. Pas des narcotiques, pour toi c'est road trip. Va crever pauvre type, je suis là contre les pilules et les gros chutes. T'as des narcotiques, pour toi c'est le gros trip. Va crever pauvre type, je zigzague entre les pilules et les gros schmitt. T'as des narcotiques, pour toi c'est le gros trip. Va crever pauvre type, je zigzague entre les pilules et les gros schmitt.